Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Alors, est-ce que tu préfères rester dans une ville un peu pourrie, avec un job dans une boîte qui marche pas terrible, en plus tu sors avec le patron de la boîte, et le mec tu sens très bien qu'en fait il se sert de toi, ou alors tu préfères aller à San Diego? San Diego. Il y avait un piège, mais t'es pas tombé dedans. Bon après, en vrai on sait ce que tu préfères, c'est Tom Cruise. Oui. I feel the need. The need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Anchor Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Et bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode numéro 18, où nous allons vous parler de Jerry Maguire, sorti en 1997. Alors, titre québécois, Jerry Maguire, ça s'invente. Ah, enfin. Réalisé par Cameron Crowe, où Tom Cruise joue le rôle de Jerry Maguire. Donc, a priori, au moins, ça pose les bases. Voilà, j'ai pas présenté Cruise Control, donc c'est comme d'hab, hein, on fait tous les films de Tom Cruise les uns après les autres dans l'ordre chronologique pour savoir pourquoi Tom Cruise est aussi merveilleux, magnifique ou pas. Mais bon, pour l'instant, on est plutôt d'accord sur que merveilleux, merveilleux, magnifique. Donc, question habituelle, Serena, est-ce que tu avais déjà vu Jerry Maguire et dans quel état étais-tu avant de revoir ce film? Alors, je crois que je l'avais pas vu. J'avais vu pas mal des scènes, je connaissais des scènes, mais j'avais pas trop des souvenirs de ça. Et bah au début je me suis dit bah oui vas-y c'est une comédie romantique, d'habitude j'aime ça. Mais bon, je crois que le mot dans ta phrase c'est d'habitude. D'habitude. Bon. Et toi? Moi je l'avais vu mais j'avais un vague souvenir. Je me rappelais beaucoup des trucs du côté truc du sport là, de l'agent. Et je me rappelais plus trop le côté rom-com. Je vois pourquoi maintenant j'ai effacé ça de ma mémoire. Et voilà. Après ce film est un grand écart mais on en reparlera je pense un petit peu plus tard. Oui. Pour l'instant le plus important, est-ce que tout le monde attend, c'est le résumé. Magnifique. Enfin le résumé est déroulé finalement du film. Serena, à toi The Floor is yours. Let's go. Alors, on commence avec la voix off de Jerry Maguire, Tom Cruise, sur une image du monde, tout simplement. La Terre vue de l'espace. Après, on fait un zoom sur les États-Unis, qui sont, dès le début, les protagonistes de cette histoire. Et on entend Jerry Maguire qui parle des États-Unis, qui sont les maîtres du monde et qui ont plein de sportifs de haut niveau. Donc, ils montrent une nana qui joue au golf, un mec qui fait du football américain, etc., etc. Il présente plusieurs sportifs. Et il se présente lui-même en disant « Moi, je suis un agent sportif, donc je suis l'homme qui reste dans l'ombre. Et je travaille pour la SMI, que c'est la Société Sport Management International, ouais. Quelque chose comme ça. Et dans cette société, on a 1600 athlètes, on est 72 agents sportifs, on a je ne sais pas combien d'appels par jour, on bosse comme des tarés. Un jour, on est à l'hôpital, Jerry Maguire voit un de ses clients qui est blessé. C'est un joueur de hockey qui a des commotions cérébrales. Commotion cérébrale, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Et son fils, qui est un petit gamin tout mignon, il lui dit « Mais il ne faudrait pas qu'il arrête, là, c'est... on doit attendre qu'il va mourir ou quoi ?» Et Jerry, il s'est rongé par l'essence des culpabilités. Il dort, il se réveille au milieu de la nuit, il a un gros cauchemar, il est en sueur, et il commence à écrire comme ça, d'un coup. Il a un déclic et commence à écrire. Un espèce de mémo. Un manifeste. Un manifeste pour sa société. Où en gros, il défend le fait qu'ils ont trop d'athlètes et qu'il faudrait vivre un truc plus... Il faut faire ce métier-là autrement, en fait. Ouais, ils ont atteint les limites. Plus personnel, quoi. Ouais. Plus humain. S'intéresser moins aux chiffres et peut-être plus aux athlètes. Donc, dans une folie, il en fait 110 copies et il les balance à tout le monde dans sa société. Oui. Petite erreur de jugement. Ça ne va pas se passer exactement comme il prévu. Il n'est pas très malin. Du coup, il se réveille, il arrive au boulot, tout le monde applaudit. Ouais, bravo, Jerry. Vraiment un vrai style américain. Gros focus. Et les gens, entre-temps, ils se séparent, ils se disent, mais Tu penses qu'il va résister dans la boîte? Non, il va se faire virer. C'est mort, c'est mort. Donc lui, il est tout content. Il monte sur un avion, je ne sais pas trop pourquoi, pour aller voir un athlète et tout. Il parle avec une femme. Il est en première classe. Il raconte qu'il est en train de se marier. Oui. Donc il raconte sa proposition de mariage à sa fiancée. Et en deuxième classe, en business class, il y a Renée Zellweger, Dorothy Boyd, avec son enfant, Ray. Pénible, un enfant qui devrait être tout choupi, mais qui est un peu relou, un peu bizarre. Ouais. Et elle écoute un peu l'histoire de Jerry Maguire. Et elle soupire. Ouais, elle soupire. Et après, alors déjà, moi, je trouvais ça très fort d'arriver à entendre la première classe quand t'es au fond de la seconde classe dans un avion. Mais OK, pourquoi pas. Bon. Elle descend de l'avion, elle ne trouve pas son enfant qui est en train de faire des high-fives à tout le monde. Sur les chariots de tapis roulants, sur les tapis roulants de valises. C'est marrant. Et Jerry Maguire arrive, il dit « t'as besoin d'aide, ah, je ne trouve pas mon fils ». Jerry Maguire le voit, il commence à tchatcher et Dorothy explique qu'en gros, elle travaille comme comptable dans sa boîte et qu'elle était très inspirée par son mémo, là, par son manifeste. Tout à fait. Bon. Fin de l'histoire. Okay, ils voilà. Se disent bisous, au revoir, au revoir. Jerry va chez sa femme. Future femme. Et ils font l'amour, je crois. En tout cas, on voit qu'ils ont une relation sexuelle incroyable. Il va au travail et il rencontre Marcy. Marcy, c'est la femme d'un de ses athlètes. Oui. Qui est enceinte, qui dit « Ah, mais t'as pris un contrat tout pourri pour mon mec, ça ne me va pas, blablabla. » Elle engueule un peu. Tom Cruise, bon, il écoute un peu. Il y a un gars qui arrive, il lui dit « Ah, ça t'est dit, on va manger ensemble. Ok, on va manger. » Ils vont dans un resto. Il se fait virer. Boum. Boum. Parce que pour ses manifestes tout pété qu'il a écrit. Ouais. Donc. Il se fait virer en plus par le mec qu'il avait formé. Enfin, ouais, c'est son apprenti. Protégé. Enfin, ouais, il l'avait formé, lui a dit dégage. L'humiliation totale. Ouais, un peu. Donc, lui, il dit, OK, d'accord, tu sais quoi, j'amènerai tous mes clients avec moi. Et il commence une espèce de match d'appel. Voilà, c'est course contre la montre pour qu'il récupère tous les clients avant que la boîte les garde. Voilà, donc il appelle tout le monde et l'autre, il appelle tout le monde. Tu vois, on voit tous les appels. En gros, tout le monde ne reste pas avec Jerry Maguire jusqu'à qu'il tombe sur Rod Tidwell. Stidwell. Je crois que c'est Stidwell. OK. Bon, en tout cas, Rod, donc le mari athlète de cette femme qui était dans son bureau tout à l'heure, qui commence à lui dire « Ah ouais, j'ai envie de rester avec toi, tu étais gentil avec ma femme, moi je crois en toi, machin truc. » Il lui fait faire une espèce de petite scène où il doit crier « Show me the money. Show me the money. » Donne-moi le blé, qui est une scène culte du coup. Ouais, c'est un peu scène culte, ouais. Ou en gros, il parle au téléphone tellement longtemps qu'il a perdu tous les autres appels et il est resté qu'avec lui. Oui. Il se barre, il décide de se barrer du bureau, de toute façon c'est son dernier jour. Et il fait une scène devant tout le monde, un peu pété, où il décide de prendre les poissons, il crie, il prend les poissons de l'aquarium, il crie, il pète un peu un câble, et il dit « Qui veut venir avec moi ? Qui veut venir avec moi ?» Et personne ne veut aller avec lui. Donc jusqu'à que Dorothy, qui est là dans son petit cubicule... Non, on dit pas. Je sais pas. Dans son open space. Dans son open space. Elle le regarde et dit « Moi, je vais venir avec toi. » Bon. Avec sa voisine qui lui fait « Arrête, pas ça. » Bon. Donc, Jeremy Gray dit « Merci, Dorothy. Allez, on y va. » Le poisson et Dorothy. Donc, pour monter une boîte, il y a Dorothy, un poisson et Tom Cruise. Et voilà, en avant. Et ils ont créé un athlète. Un athlète. Rod Stidwell. Et il se retrouve dans l'ascenseur et... Dorothy a dit, mais tu assures l'assurance maladie quand même, tu auras l'assurance maladie. Oui, t'inquiète. Elle m'a dit, bon, il y a quand même deux, trois trucs. Bon, dans l'ascenseur, il y a un couple amoureux qui rentre, d'amoureux. Qui se galochent. Ils sont sourds, on comprend parce qu'ils font des signes. Et ils signent. Et Tom, il dit, ah, je voudrais tellement savoir qu'est-ce qu'ils ont dit. Et Dorothy répond, ça semble un détail, mais c'est très important. Elle dit, Tu es mon âme sœur. Ouais, mais... tu es mon âme sœur. C'est bizarrement traduit à chaque fois. Mais, you complete me en américain. En américain. Tu me complètes. Et ils disent, ah ok, d'accord. Enfin, Mais notez bien, c'est important, ça reviendra un petit peu plus tard. Jerry voit sa fiancée, donc Avery, qui lui dit « Non, mais tu n'es pas un loser, tu ne peux pas te contenter de Rod, tu dois voir la star du moment qui s'appelle Cushman. Qui est un jeune footballeur. Footballeur. Ouais, c'est un jeune quarterback qui va arriver dans la ligue professionnelle. C'est un prodige. Et en gros, tout le monde veut se le déchirer. C'est le numéro 1 de la prochaine draft, donc c'est très important. Voilà, donc si tu as lui, après tout le monde viendra, tu vas être une star. Donc Tom Cruise, il prend la bagnole, il traverse la moitié des États-Unis pour aller chez Cush. Il voit le père de Cush qui gère tout son management. Bel enfoiré lui aussi. Ouais, c'est clair. Les personnages ne sont pas très beaux. Il n'y a pas grand monde. Et il lui dit « Ah, je m'étais dit que si tu venais jusqu'ici, je serais resté avec toi. Ouais. Donc, je te donne ma parole. Ne signons pas des contrats. C'est ça. Parole est forte comme une... Comme un chêne. C'est toujours bizarre quand le mec, il te dit « Moi, je ne signe pas les contrats. Mais tu peux me faire confiance. » Donc, bon. En gros, c'est l'inverse. Donc, Jerry Tom, il est trop content. Il dit « Ok, d'accord, c'est reparti. » Ils organisent avec Dorothy un espèce de rendez-vous avec... Cush et Rod, donc les deux athlètes qui restent, et ils vont dans, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, une espèce de foire. C'est un centre de conférence avant la draft du foot américain, de la ligue de foot américain, où du coup c'est les journalistes qui viennent, les équipes qui viennent, interviewer les jeunes, les équipes, etc. Et en gros, lui, il faut qu'il soit là parce qu'il faut qu'il se montre, qu'il montre ses athlètes, qu'il soit ok, etc. Et notamment avec Rod, il veut montrer Rod à tout le monde parce que même si Rod est déjà dans la ligue professionnelle, il veut un nouveau contrat. Donc ouais. Il faut qu'il se montre. Et il est un peu, disons, il n'est pas une star. Quoi, et puis il n'a pas l'air d'avoir une super réputation, ça a l'air d'être un mec assez ingérable. Voilà. Et donc, bien sûr, tous les journalistes, tout le monde est là pour Cush. Mais Rod, il n'y a personne qui le considère. Ouais, du coup, il se retrouve un peu à côté. Et Tom Cruise, il est avec Cush et il fait plein de smiley, de machin, des trucs. Et Rod, il est là, mais... Merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que s'occupe de moi, s'il vous plaît? À un moment, Tom Cruise, il arrive chez Rod, parce qu'il a fait toute la tournée avec Cush, et il lui dit, bah, vas-y, maintenant, je te montre à tout le monde. Vas-y, ils font leur montrer et tout, ça se passe très bien, machin. Il va revoir Cush, et il est trop content. Et du coup, Cush, il est entre deux équipes, ouais. San Diego ou Denver. Et les pères, ils voudraient beaucoup qu'il aille à San Diego, je crois. Non, je crois que c'est Denver. Ah non, Denver. Et lui, Tom Cruise, il ne peut pas dealer avec Denver. Denver ne veut pas dealer avec lui. Voilà, c'est plutôt ça. Et du coup, il est plutôt en train de faire un super contrat avec San Diego. Ouais. Et le père, il n'est pas content. Coup d'appel. Tom Cruise, il dit, ah, laisse tomber, je vais répondre, c'est la presse. Et là, on entend l'ennemi juré de Tom Cruise, Bob Sugar, le mec, il a viré. Bob Sugar, quand même. Paye ton nom, quoi. Je m'appelle Bob Sugar. Le mec, il a viré, qui dit, ah, Jerry Maguire est là. Tous s'il est là. Et je t'ai dégoté ton contrat avec Denver comme tu voulais. Tu m'appelles et après tu lâches Jerry Maguire. Sachant que Maguire, du coup, se fait passer pour Cush pour répondre. Donc, Maguire, il sait, il parle avec les pères, il est très en colère. Il parle avec les pères et il dit. Tu connaîtrais pas un Bob Sugar par hasard? Et le père, il dit oups. Ah oui, non. C'est vrai. Moi, parce que mon fils, il doit aller à Denver, voilà. C'est ça. Et donc, il lui dit, mais t'as pas signé des contrats? Oui, j'ai signé un contrat. Mais comment, avec moi, t'as pas signé des contrats? Bof, il est pas content, il se casse super énervé. Il a donc, tout perdu. Jerry Maguire a perdu son joueur star. Donc, il va s'ébourrer la gueule. Il va voir sa fiancée. Oui. Il y a une espèce d'échange un peu bizarre où sa fille s'est dit « Écoute, j'ai pas le temps de te consoler là, tu me fais chier, j'ai du boulot, je suis pas une femme comme ça, je t'ai dit ce que je pense, c'est tout quoi, t'as foiré ton truc. » Et lui, il dit « Tu sais quoi, je te quitte. » Ok. Super. Et la nana, elle est tellement en colère qu'il le tabasse. Il lui faut une patate dans la tronche. Ça, c'est trop bien. Donc, il boit encore plus, il va et il est tout seul, il peut pas rester tout seul, c'est qui doit appeler? Dorothy. C'est un gros problème, c'est qu'il ne sait pas être tout seul. Et ça, on l'a vu au tout début, quand il a une vidéo de toutes ses ex, qui pour son mariage, en fait, pour son enterrement de vie de garçon, où toutes ses ex, une par une, disent « Ouais, mais il ne sait pas être tout seul, il ne sait pas être tout seul. » C'est un peu le truc. Au bout d'un moment, tu comprends qu'en gros, oui, son problème, c'est qu'il ne sait pas être tout seul. Voilà. donc il appelle Dorothy. Et donc Dorothy, elle est chez sa sœur, qui est trop la super féministe de ouf, qui fait des groupes de rencontres entre femmes non mixtes chez elle, où elle parle en gros de leur de sororité, de leurs problèmes avec les mecs, et pas que, mais de leurs problèmes dans la vie. Et sa sœur, elle lui dit c'est quand même un peu bizarre que ton patron vient chez toi les soirs, et en plus il est pété et tout. Elle dit bah, mais moi j'ai pas de vie sentimentale, du coup c'est cool, je prends ce que je peux. Ok. Ok. Tom Cruise, il arrive, il est méga bourré, il se prend la lampe dans la tête 2-3 fois parce qu'il reste, il arrive pas trop à être debout. Il s'est mis, elle se prépare. Le coup de la lampe, c'est une anecdote vraie, c'est qu'en fait, à chaque fois, ils avaient demandé à ce que ce soit plus bas encore à chaque fois. Parce qu'il n'est pas très grand, Tom Cruise, donc elle est anormalement basse pour une maison. Et c'est marrant quand même, ça la prend. Bang. Et elle se prépare, elle lui prépare à bouffer, elle parle avec sa sœur, et c'est qui débarque dans la pièce? Ray, les petits enfants, un peu chelou. Chelou et pénible. Mais ils s'étaient déjà un peu entendus, ils s'étaient revus à plusieurs reprises, ils étaient rigolos, ils avaient bien connecté. Et Ray commence, et Jerry Maguire commence à parler avec l'enfant. Il lui dit « Ah, merci, personne ne m'écoute, je peux m'ouvrir qu'avec toi. » À l'enfant de 5 ans. Ouais, 5 ans tout pété. Qui fait que répéter que « Eh, tu sais que la tête d'un être humain, ça pèse 8 kilos. » C'est vrai qu'il le répète à plusieurs reprises, c'est trop bizarre. Ça devrait nous attendrir. Bon. l'enfant, après, la mère, elle revient, l'enfant, il se cache, il va se coucher. Jerry, il est avec Dorothy. Jerry embrasse Dorothy et lui met une main au sein, très voilà, bizarre. Ça, c'est le truc à ne pas faire. Hein. Très chelou. Il est trop gêné, il se casse. Elle lui a appelé un taxi, il se casse. Ah, et on est presque à la fin. Plus ou moins. Jerry, il essaie d'avoir un contrat pour Rod Stidwell, joueur. Qui joue dans l'Arizona et qui doit renouveler son contrat, mais ça ne vient pas. Donc, les managers de l'équipe, le coach, je sais pas qui c'est, il dit, on peut faire un contrat $1 million pour 10 ans, genre. 4 ans, je crois. Ans. Jerry Maguire joue sur le fait qu'ils sont très proches, en fait, qu'ils se connaissent depuis longtemps, donc il lui doit une fleur. Et le coach lui dit, mais non, en fait, lui, il est ingérable, il vaut pas plus qu'un million sur 4 ans, il est bon, mais il est ingérable, donc non. Voilà, il a un caractère un peu pourri. Et Rod, il voudrait plutôt 10 millions. Et, oui. Voilà. Et puis même Jerry Maguire, parce que s'il n'a qu'un athlète, il a qu'un contrat de 1 million, ça ne fait pas ouf de commission pour tourner le reste de l'année. Quoi. Voilà. Donc il doit annoncer à Rod qu'il a un contrat un peu pété quand même. Oui, à Rod et sa femme. Ouais, qui est beaucoup plus commode. Ouais, c'est ça. Petite scène dans les toilettes où Tom Cruise parle avec Rod, où Rod dit en gros. Quoi? J'ai un mauvais caractère? Caractère? Tom Cruise pète un câble, il y a la fameuse scène Help me to help you. Aide-moi à t'aider. Et voilà. Bon, mais il se prend la tête et il se casse. Oui. Et ils n'ont rien décidé par rapport au contrat. Il revoit Dorothy, donc Renée Zellweger, au bureau. Il dit je te dois des explications, je suis désolée, ça n'arrivera jamais plus tôt. Plus de relations intimes entre nous. Dorothy dit ok, d'accord, je vais te laisser ici tout seul. Alors je te laisse tout seul. D'accord, je vais te laisser toute seule. Elle joue la psychologie inversée. C'est très bizarre. Bizarre. Ils sont tous malsains, ces gens. Et Tom dit non. Hop. Je change d'avis. Et du coup, elle dit ok, on peut sortir au resto. Je connais un bon, très bon endroit. Rendez-vous ce soir. Rendez-vous au resto mexicain. Ça se passe bizarrement. Ils rentrent à la maison, ils s'embrassent, ils couchent ensemble. Les lendemains matin. Je pensais pas que t'allais faire aussi vite cette scène, qui a priori dans n'importe quel rom-com est hyper cruciale. Tu nous la. Ouais. Sympa, hein, mais tu nous l'expliques. Je trouve ça trop bizarre. Oui. Bon, ils couchent ensemble. Le lendemain matin, Dorothy parle avec sa sœur, donc la féministe, qui lui dit qu'est-ce qui s'est passé alors, des détails de hier soir et tout. Elle dit non, mais tu sais quoi, moi je l'aime. Elle crie. Qui est dans le couloir à ce moment-là? Et Jerry Maguire, il entend dans le couloir, il rentre. Super scène un peu chelou. Ouais, avec l'enfant, des céréales. Il fait ça, il fait salut chérie. Ouais, trop bizarre. Donc, ils vont annoncer à Rod, ils partent du contrat, oui. Du coup, de ce contrat des 1,7 million. Et la mère, la femme de Rod. Ah, grosse. Bah, si, parce qu'elle est enceinte, donc c'est une future mère. Enfin, on va dire, c'est ça. La femme de Rod, il lui dit, non, mon bébé, tu accepteras pas ce contrat d'un million. Toi, tu veux beaucoup plus. Et moi, je t'aime et tu veux beaucoup plus et machin. On va le refuser. Et Jerry dit, bah, c'est un gros risque quand même de refuser ce contrat. Ouais, peut-être que t'en auras pas. Oui, là, le choix, c'est ça. C'est soit il refuse et pendant toute l'année, il travaille en gros pour avoir un contrat l'année prochaine, soit il le signe là, voilà. Il est tranquille pour 4 ans. Mais c'est peut-être pas assez. Donc, sa femme, elle le pousse à ne pas accepter. Et Rod, qui est très lié à sa femme, il dit « Ok, je te fais confiance. » Il parie sur lui-même. Donc, pas de prime, pas de pas trop d'argent dans la société de Jerry Maguire. Et Dorothy décide de partir, de trouver un travail ailleurs. Elle avait une proposition à San Diego. Voilà. Elle n'a pas de... Voilà. Donc, elle prépare tout son déménagement. Elle est avec son fils, avec les gros camions chargés. Tom Cruise débarque et dit « Bon courage et tout ». Hélène lui dit « Tu sais, peut-être on ne s'arrivera plus, mais vraiment ton manifeste m'avait beaucoup inspiré. Il faudrait vraiment que tu le relises parce que c'est ça qu'il faut faire. J'y vais. Attends. Tu veux pas me marier ? Oui, je veux. Voilà. Alors là, c'est le moment très très bizarre, quoi. Very cringe. Très très cringe. Parce que là, c'est le moment où en fait, Jerry Maguire sait qu'il va se retrouver tout seul. Donc encore une fois, réflexe. Je suis tout seul. Qu'est-ce que je fais ? Oh bah tiens, je vais l'épouser. Je vais l'épouser. Et en plus, elle sait qu'il l'aime pas vraiment, mais elle décide de le marier quand même, tu vois. Voilà. Donc mariage. Donc mariage, mariage avec Rod, sa femme et tout, grosse fête. Les soirs même, il regarde la vidéo du mariage, chose assez bizarre. Oui. Et il y a pas mal de premiers plans de Tom Cruise qui, on voit qu'il a des doutes. Et sachant que Rod lui avait demandé ce qu'il faisait avec cette fille, est-ce qu'il était amoureux et quelle était leur relation ? Il avait déjà pointé ça et puis Jerry Maguire avait fait genre. Ça va. Merci à moi. Là, en voyant la vidéo, Rod lui dit « Mais tu lui as jamais parlé, en fait. » Et même Dorothy, elle sera un peu quand tu vois la vidéo. Donc là, elle est un peu première, révélation qui est peut-être ce mariage, c'était pas aussi bonne idée que ça. Après, nous, on nous aurait demandé, on lui aurait dit. Bah oui, grave. Putain, ils ont couché une fois. Ouais, et puis au bout de 2 minutes de film, nous, on avait compris le principe. Hein, donc bon. Rod, il lui parle, il lui dit « Attends, tu peux pas faire ça en mère célibataire, c'est vraiment trop... Qu'est-ce que tu fais avec cette fille ? Pourquoi t'es toujours dehors avec moi ? Tu devrais être à la maison avec ta femme. » Parce que lui, il est très amoureux de sa femme. Et sa femme est très amoureuse de lui. Très fusionnel. Ils sont très fusionnels. Et Tom dit « Alors, si on est vraiment amis, moi, je vais te dire un truc aussi. Tu devrais jouer avec un peu plus de cœur. T'as pas de cœur, il faut que tu t'engages plus. Parce que c'est ça qui fait vraiment rêver les gens. » Rod, il s'énerve parce qu'il ne veut pas être critiqué. Il s'embrouille. Mais quand même, il reste amis. Il se voit, ils sont à un repas, la femme est enceinte. Rod et sa femme, ils s'embrassent, ils font plein de câlins et tout ça. Et il y a en face Jerry Maguire Dorothy. Il met sa main sur l'épaule de Dorothy comme si c'était cringe. Son pote. En fait. Trop bizarre. Ok, d'accord. Et on voit la différence. Et là, donc la femme, Marcy, elle dit « Bébé, je suis en train d'accoucher, Ah, tout le monde va à l'hôpital, il y a le bébé qui naît, c'est l'amour suprême. Rod, il a la grande transformation parce qu'elle est devenue parano nouveau et du coup, il commence vraiment à jouer avec beaucoup de cœur et du coup, il commence à gagner et à prendre de l'importance en tant que... Parce que lui, il est receveur dans le football américain. Il est receveur, tout à fait. Ça veut dire qu'il doit recevoir la balle. Exactement, d'où le nom. C'est bien vu, quand même. Il court devant et puis les mecs lui envoient la balle. Et il doit la prendre. Et s'il la prend pas, il perd des points, tu vois. C'est pas le premier film qu'on voit sur le foot américain, tu devrais t'y mettre. Je sais, j'aime pas. Mais bon, il est receveur et en fait, il rate jamais. Et il devient de plus en plus important. Oui. Mais il a pas mal de commotions cérébrales parce que quand il reçoit la balle, prend des gros tout le monde des gros chocs. lui fonce des souhaits, du coup il prend des gros chocs. Mais son équipe est pas loin d'arriver à un niveau du classement où ils pourront faire les playoffs et c'est important. Et pour lui, juste, notamment par rapport à son contrat, si l'équipe va en playoffs et qu'il a servi à ça, ça peut valoriser. Donc c'est aussi important. Voilà. Dorothy décide de quitter Jerry. Après l'enfant et tout ça, elle a vu que leur couple n'était pas un bon couple, quoi. Bon. Voire pas du tout un couple. Voire pas du tout. Donc elle dit, ouais, c'était pas une bonne idée, on se quitte. Il y a les jours d'un grand match pour Rod qui reçoit à nouveau la balle. Je pense qu'on l'appelle oui. balle. Oui, ça ouais. marche. Et il, c'est pas un gros coup. Oui. Mais il marque un touchdown. Il la reçoit dans l'embut, donc il marque touchdown. Donc l'équipe va aller en playoff. Donc c'est la folie. Mais il est câble. Enfin, il tombe est au sol, et il se relève pas. Plus. Donc la femme qui est en train de regarder les matchs à la télé avec toute la famille, elle panique. Jerry Maguire, il est quand même là-bas. Il est dans le stade, donc ouais. Il fait les liens entre la femme et ce qui se passe en direct. Il court sur le terrain pour. Enfin, il se rapproche du il terrain. Il se rapproche quand même et il se tient au courant. Et Rod, il se relève pas, il se relève pas, il se relève pas. Tout le monde commence à s'inquiéter. Le stade est tout silencieux. Jusqu'au moment où ils arrivent, je ne sais pas comment, mais en tout cas, il ouvre les yeux. Ouais. Et là, ils lui disent « Ah, merci Dieu, tu es encore vivant et tout. » Et il dit « Non, laissez-moi profiter encore de ces moments. » Il se regarde autour, il s'élève et tout le stade, il commence à faire « Ouais !» Il tape une danse. Il fait la danse. La rémission la plus rapide du monde. Quoi. Et il commence à péter un plomb et tout le stade est trop content pour lui. Et dès là, il devient une star. Ouais. En gros, on comprend que là, c'est parti. Donc, ils sortent de là, le manager interview, il reçoit l'attention de la presse. Le manager de l'équipe, il parle avec Jerry en disant, bon, d'accord, OK, ouais. On va accepter les gros contrats. Et sachant que quand il y a la presse, il fait un gros câlin avec Jerry Maguire à la télé, quoi, en direct, quoi, aussi. Oui, voilà, ils sont vraiment, il est hyper ému. Oui. Et en plus, voilà, il a eu tout le rapport avec la femme, donc Jerry c'est aussi ça. Est très ému. Et Jerry, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Dorothy, qui est en train de parler avec toutes les copines sororites chez Lou à la maison. Et Jerry débarque et en gros, il lui dit « Salut, je voulais te dire que… » Que je t'aime, que tu m'aimes. Et que tu me complètes. You complete me. Et lui dit, la réplique célèbre de réponse de René Zellweger. Qui est un peu le classique aussi. « You had me at hello. » Tu m'as eu à « salut, salut. ». En gros, elle n'a rien compris. Ouais, en gros, elle l'a vu arriver, elle a arrêté d'écouter. Elle dit « Ah si, moi, je l'aime. » Voilà. Ce qui est le problème du film hein, aussi. Ouais. Et je crois que c'est la fin. Et après, il y a la scène où, du coup, il y a Rod qui est à la télé, où on lui annonce son contrat. Et il remercie tout le monde. Et il fait un remerciement particulier à Jerry Maguire. Donc là, tu te dis, ça décolle. Et il y a tous les athlètes qui commencent à dire « Ah, mais nous, on n'a pas cette relation-là avec leur agent. » Donc on comprend qu'il y aura de nouveaux athlètes. Et toute dernière scène où il se balade dans le parc avec Dorothy et le gamin pénible. Et le gamin pénible renvoie une balle de baseball avec un super geste. Et là, Jerry Maguire qui fait « Ah, mais t'as vu comment il jette la balle ?» Il est trop doué. Et il part en cacahuète en mode « On va faire une star de cet enfant. » Fin ça du film. Là. Voilà, fin du film, merci, bravo. Ah là là. Bon, pour rester dans l'ambiance et pour vous montrer le niveau d'intensité de jeu et la finesse du jeu des acteurs, je pense qu'on peut caractériser ça. On va se faire l'extrait de suite. Donc l'extrait dont on a parlé un peu rapidement, qui est un peu culte, oui. Le Help Me Help You, où ils sont Jerry Maguire et les Rod Stidwell dans le vestiaire, et où Jerry essaie de lui expliquer, mais joue avec ton cœur parce que sinon tu vas pas faire grand-chose. Et qui est un problème de caractère. Oui. Commence un peu à lui dire, tu devrais peut-être gérer un peu mieux ton caractère. C'est ça. Alors c'est qu'en fait, bon, les deux ont un caractère de merde. De merde. Allez, on écoute ça. Okay, this is a renegotiation. We want more from them, so let's give them. Pour info, Rod est à poil. Oui, dans les toilettes. Et Tom, il essaie de le convaincre qu'il faut quand même baisser un peu son attitude. Non. Rod le prend mal et il dit « Attends, mais tu prends une carpette, quoi. » C'est intense, hein. Il essaie de le convaincre que quand il était jeune, il le faisait pas pour l'argent, mais il le faisait pour le cœur. Il y a les doutes. Est-ce que je le faisais que pour l'argent? Attends, non, c'est toi qui fais ton boulot, mec. Donc on a les deux qui surjouent à fond. Hein. Ouais. Tous les sourcils sont foncés. Tom, il fait des facs en sautant sur en tirant des poings. Et l'autre, il tape contre le mur. Ah, gros coup dans le mur. Ah, il s'est fait mal, là. Voilà, les mecs sont à fond. Donc Rod lui dit de respirer. Je suis ici pour toi. Tu sais pas qu'est-ce qui m'a coûté, putain, là, il se la pète un peu. Il est un peu rêve. Oui, parce qu'il lui fait croire que c'est, il a tout abandonné pour lui, alors c'est pas vrai. C'est pas vrai, ils l'ont tous... Il a tout abandonné et après il l'a appelé. Mais Rod, il y croit pas trop quand même, il dit, bah ouais, petit regard en mode... Et là, il dit, aide-moi à t'aider. Aide-moi en l'air. Help me, help you. Et Rod, il regarde un peu, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Il est fou ce mec. Help me, help you. Ah, Axon. Rod, ça fait rire, mais comme nous, hein, ça nous fait rire. Bah ouais, c'est trop con. Il rigole. Désolé, désolé. You are hanging on by a very thin thread. Il se moque un peu de lui. Il dit, tu t'accroches à un fil. Mais ça m'a fait bander. Et voilà. Donc finalement, ça marche. Mais... Ça marche. Et là, il lui fait un peu la mimique. C'est très bien fait, ça, quand même, la mimique de temps. Et là, il est trop vexé, Jerry. Ah, il est trop vexé dans les goûts. Il se fout de sa gueule. Et ouais, ça en va. Il s'en va parce que là, il n'a... Allez, on se voit à Los Angeles. Allez, petit plan sur les fesses de Cuba Gooding Jr. C'est cadeau. Ah là là là là. Ouh là là là. Un niveau, une intensité de jeu énormissime. Qui, après cette scène, mine de rien, ça... Ça montre un peu l'ambiance quand même de dans laquelle on évolue dans ce film. Ouais. De à moitié entre le surjeu, l'incompréhension, le foutage de gueule, je ne sais pas. Trop du bizarre. Coup, Serena, qu'as-tu pensé de ce film? Et parlons ensuite de ce film. Bon, ben peut-être que je sais pas, peut-être tu veux commencer, non? Là, j'ai beaucoup parlé. Tu veux faire une pause? Non, je sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de film? Je comprends pas trop pourquoi ce film, pour plein de raisons. Déjà, il y a ce qu'on évoquait un petit peu rapidement, c'est le côté. Il y a deux films dans un film. Il y a un film sur le sport et sur le côté vénal du milieu des agents, etc., de ce qui marche pas et de l'ambiance pourrie. Et du coup, tu te dis bon, ok, ça c'est le postulat de départ. Et effectivement, ce mec qui rejette tout ça, qui va peut-être faire changer le milieu du sport. Bon, ok, pourquoi pas. Et ensuite, il y a une rom-com avec quand même pas mal de codes de la comédie romantique, mais bizarrement foutu. Et les deux cohabitent très très bizarrement. Et ouais, t'as l'impression qu'en fait, c'est, les deux sont pas bien mélangés. Il y a vraiment deux moments. On parle du sport, ensuite on parle de leur romance. C'est tout mélangé. Et en vrai, je crois absolument à aucun de ces deux films dans le film. Je trouve que ça joue très très. Tout est un peu surjoué. Il y a des personnages qui sont pas super bien écrits. Clairement, le personnage de Renée Zellweger, j'arrive pas à comprendre. À part qu'elle est amoureuse de Tom Cruise depuis le début et sans jamais vraiment le remettre en question et sans jamais comprendre. Mais c'est horrible. Le personnage de Cuba Gooding Jr., c'est quand même un peu le personnage du bon copain noir. C'est pareil, tu vois, trop. Même si la relation qu'il a avec sa femme, avec Regina King, est chouette, et eux, pour la peine, ils ont ce truc-là qui est pas mal, mais après voilà. La progression du personnage de Tom Cruise, moi j'ai pas du tout réussi à la capter bien. Je trouve que à la fin, il a pas bougé en vrai. Pour moi, il a pas bougé. Donc, un peu perturbé par ce film. Enfin, perturbé non, mais un peu passé à côté de ce film complètement. Et je comprends pas comment ce film a autant marché à l'époque. Il est devenu aussi culte. Mais bon. Ouais, c'est vrai que c'est un peu cata. Ouais. c'est très difficile de dire parce que vraiment le personnage de Doherty, on comprend pas, non, mais qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Pourquoi? Mais en plus, quand j'ai vu le mariage, je dis quoi? Comment ils ont pu parler de mariage? Comment ils ont pu le caler là? Ça n'a aucun sens dans l'histoire. En plus, elle a un gosse quand même. Tu vois, aucune mère célibataire ferait ça, un mariage au bout de deux rendez-vous, quoi, avec un enfant. Puis même scénaristiquement, ce mariage, il sert à rien en fait. T'as pas besoin de faire le mariage pour montrer que leur relation ne marche pas et qu'elle est basée sur juste le fait que Jerry Maguire, elle peut pas être seule. Ouais, parce que c'est intéressant, tu vois, le truc de dire, ok, ce mec-là, en fait, il peut pas être seul. Et effectivement, il comble tout comme ça. Mais sauf que à la fin, quand il retourne voir Dorothy, c'est pour le même principe. Ouais, parce qu'il n'a jamais il a jamais été aussi seul. Il est tout le temps seul et à chaque fois qu'il est seul, il va voir Dorothy, qui elle, comme elle dit dans la dernière phrase, you had me at hello. En gros, c'est bon, je t'ai vu. Allez, je vais t'aider. J'écoute pas la suite de ce que tu me racontes parce que c'est mort en fait. C'est fou. Hein. Et c'est pour moi le truc. Je comprends pas pourquoi elle continue de rester avec ce mec alors que il fait rien de. Et en plus, ils sont jamais parlé. Avant l'avion, ils ne se sont pas dit grand-chose. Ils se sont dit deux phrases en tout dans le film. Ils ont couché, ils se sont mariés, quoi. C'est ça. Et je comprends pas comment elle est convaincue qu'elle peut l'aimer. Mais par contre, les trucs qui est encore plus chelou, c'est que lui, il a un super rapport. Il parle presque plus avec son enfant qu'avec elle. Et oui. Donc, il a un super rapport avec l'enfant. Et presque, il la marie pour rester avec l'enfant. Après, il le dit à deux, trois moments quand il est très, très attaché au gosse. Mais c'est trop bizarre, tu vois. Et elle est le troisième personnage. C'est comme si les rôles étaient inversés, tu vois. C'était carrément sa relation avec l'enfant. Et la femme, bon, elle est là parce que c'est sa mère. Tu vois, c'est très, très bizarre. Trop chelou, quoi. Et après, il y a un personnage qui est intéressant. C'est le personnage de la sœur, donc de Dorothy. Oui. Joué par Bonnie Hunt. Qui est un peu, c'est un peu la meuf qui y croit pas, qui à chaque fois fait mais c'est chelou quand même cette relation. Moi, j'y crois. Ouais, elle est pas contente. Ça, c'est peut-être à la rigueur le point de vue que tu peux avoir. Sauf que bon, à la fin, fait ah non, mais ça va, ça reste Tom Cruise, donc allons-y. Bah, les trucs, ouais, voilà, pareil. C'est les groupes de paroles qu'ils ont à la maison de la sœur. Tu t'es dit, bon, ok, d'accord, elles disent des trucs. À des moments, tu entends des bribes des conversations. Elles sont même intéressantes comme bribes. Tu vois, elles parlent de sororité. Elles disent, ouais, on nous a appris à être en compétition, mais en réalité, je parle avec vous et je comprends qu'on a toutes, on vit les mêmes choses et qu'on devrait être plus solidaires. Je trouve ça chouette. Et elles parlent un peu des mecs en mode, ah, il m'a fait ça, c'était trop chelou, tu vois. Une fois que Dorothy, elle arrive, elle dit, oui, bah, ça, c'est la différence entre moi et vous. Vous pensez que les hommes, c'est les ennemis. Moi, je peux encore tomber amoureuse d'eux. Mais c'est trop bizarre, tu vois, c'est résumé tout le discours féministe en phrase de merde, genre, les féministes sont anti-mecs, quoi. Après, comment c'est filmé, c'est pareil, hein. Ça, c'est filmé les réunions entre femmes où c'est caméra à l'épaule, t'entends des bribes de trucs, etc. C'est genre, c'est le poulailler, c'est un espèce de truc incompréhensible, etc. Et donc, effectivement, quand Tom Cruise rentre dans la salle, tout le monde se tait, c'est réglé. Ah, c'est hyper maladroit. C'est trop maladroit. Pour pas dire plus, quoi. C'est méga sexy. C'est très limite. Ouais, et puis c'est vraiment, c'est les personnages, c'est des enfin, c'est le poulailler, vraiment. T'as vraiment cette image-là, quoi. Et ok, c'est bon, comme ça, on a montré que la sœur, c'est une féministe un peu chiante. Oui, voilà. C'est bon, on peut passer un à autre peu chose. Un peu vieille fille toute seule, ouais, c'est ça, vieille parce qu'en plus, elle croit pas au mec, du coup, elle a méfiance envers Tom Cruise. Trop chelou, quoi. Ça, vraiment, pour la peine, ça casse vraiment aussi le truc. Du fait que le personnage de Renée Zellweger écrit vraiment à l'arrache, ça aide pas, quoi. Et en plus, il y a deux petits trucs, mais qui sont quand même hyper qui soulignent à quel point ce film est super machiste. C'est que quand il parle des sportifs, il y a plusieurs sportifs dont lui il est agent, et on voit plusieurs interactions, des petites bribes avec des sportifs. Tous les mecs, c'est des mecs hyper professionnels qui disent non, je suis désolé, je suis pas avec toi et tout. La seule fille qu'on voit qui parle au téléphone avec lui, elle lui fait une espèce d'essai, elle lui dit « Ah, Jerry, je suis désolée ». Elle pleure au téléphone et tout, et après, elle a une espèce de volte-face, elle répond au téléphone en disant « Ah, salut, ça va, machin ?» un peu en faisant comme si elle un cliché avait de joué, la quoi. Petite fille trop bizarre. C'est donc, il y a ça. Et il y a l'autre truc au début, quand il présente les athlètes, il y a la première femme boxeur américaine qui rentre dans une grosse ligue, genre le personnage du plus-plus, et Jerry dit dans la voix off. Et là, parce qu'on la voit tirer des coups de poing, et là, elle pense à son ex-mari. Genre, la putain d'athlète du monde entier qu'elle pense à son ex-mari. Alors que les mecs, c'est la perfection, c'est les coups parfaits. Et c'est vraiment impressionnant, même dans les côtés sportifs. Tu vois, il n'y a pas une putain de femme qui est présentée comme une vraie sportive. Non, mais après, c'était écrit par donc Cameron Crowe, le réalisateur. Il a mis, je sais plus, j'avais noté combien de temps il avait mis à l'écrire. Il a mis super longtemps à l'écrire. Ah bon, j'ai passé 10 minutes. Mais non, moi aussi, dans ma tête. Mais il a passé 2 ans à l'écrire. Je sais plus, je m'étais noté. Je retrouve, mais je sais pas. Il a passé 3 ans et demi à écrire le scénario. Mais non, mais j'ai vu cette anecdote, j'ai fait 3 ans et demi. Quel cata. Pour ça. C'est un problème. Bref. Ouais. Et après, lui, pour revenir sur le personnage de la sœur, du coup, de Bonnie Hunt, il y a une petite, j'ai lu une anecdote, mais en fait, qui est hyper révélatrice du truc. C'est que donc Bonnie Hunt, on l'avait vue déjà dans Rain Man, elle avait joué. Tom Cruise arrive sur le plateau, il se rappelle plus d'elle. Non. Il se rappelait pas qu'il avait tourné avec elle. Ah merde. Tu vois, donc ça, déjà, super. Super bon ambiance, début. Comme on dit. Et en plus, Bonnie Hunt, elle a dit « Le plus dur dans mon personnage, c'était de jouer une personne qui n'aime pas Tom Cruise. » C'est vrai ? Ouais. Et là, tout le monde, personne n'a rien compris. Mais non, mais sérieux, putain, mais c'est ouf, quoi. Tu vois, c'est bizarre, quand même. Mais c'est trop bizarre, je comprends pas où ça... Et Cameron Crowe écrit le personnage de Bonnie Hunt comme étant le point de vue du spectateur, du coup. Donc, tout est... Bah, en même temps, c'est... Ça pourrait, mais sauf que tu peux pas dire que c'est le point de vue du spectateur et rater toutes les... Et balayer d'un revers de main tout le questionnement qu'il pourrait y avoir sur ce mec toxique, quoi. Oui, parce qu'à la rigueur, quand Renée Zellweger doit partir à San Diego, on voit Bonnie Hunt qui dit non, n'accepte pas, pars, et elle se fait avoir. Et tu vois que Bonnie Hunt, elle n'est pas contente. Mais à la fin, on la voit même pas presque, tu vois, et elle fait une espèce de truc. Mais non, putain. Ah, c'est très, très. Ouais, c'est chelou. Très chelou. Sans parler peut-être du côté un peu raciste et jassophobe aussi. Ouais, un peu là quand même. Ah, c'est chaud quand même. Ouais. Mais donc, j'ai vraiment peur de rentrer dedans parce que c'est vraiment chelou, même les rapports qu'il a avec Rod, toute la caricature des Rod en mode famille, je parle hyper fort, méga égo, je sais pas. Ouais, et alors le truc très très bizarre, c'est quand même les critiques ont adoré à l'époque, ça a cartonné ce film. Et les critiques, je lisais les critiques et je comprenais pas en fait. Tous les critiques adorent, je sais plus, j'en avais vu, où ils disaient que c'était une comédie charmante et surprenamment profonde, une méditation sur l'intimité, les connexions et la masculinité toxique. Donc les mecs, ils voient qu'il y a de la masculinité toxique, mais ils trouvent que c'est une vraie réflexion sur ça. Moi, je vois pas à quel moment Jerry Maguire est plus toxique. Ouais, non. C'est très bizarre. Alors qu'a priori, c'est une des thématiques. Réalisation tendre, subtile. Mélangeant sport et romance. C'était une des premières fois où une comédie romantique, tu vois, parce que c'est quand même les années 90, où ça prenait un peu ses points de vue-là, moindre partie. Mais après, tu vois, moi, ça me faisait penser, je t'en parlais tout à l'heure avant qu'on démarre, ça m'a fait le même effet que Cocktail, quoi. C'est vraiment un peu tous les trucs qui sont un peu dégueulasses des années 80 dans Cocktail. Et là, c'est un peu tous les trucs dans les années 90 qui ne sont pas réglés, qui restent encore des automatismes, tu vois, dans la société, etc. Tu as des trucs, c'est assez normal encore. Ces trucs qui, maintenant, plus de 20 ans après, tu vois que ça, la société a évolué. Et ça, en fait, ce n'est pas du tout des exemples. En fait. Ce n'est pas des personnages écrits pour l'actualité, quoi, pour notre société maintenant, heureusement. Heureusement, ouais. Mais c'est fou de se rendre compte comment ça, c'est des films qui sont tellement basés sur des vieilles valeurs qui sont déjà de base un peu bizarres, qui ne marchent plus du tout. Quoi. Ouais, et d'ailleurs, on ne l'a pas suffisamment cité, mais moi, il y a le personnage aussi, c'était la fiancée de Jerry Maguire, du coup, qui s'est fait larguer au bout d'un moment. Je trouve que aussi, ça parle un peu de ça aussi, parce que elle, à un moment, Jerry Maguire, il est là, il fait encore son pleurnichard alors qu'il a tout fait foirer pour un coup de tête débile. Et il va se plaindre et elle est au travail. Oui. Elle lui dit, j'ai pas les temps, je suis au travail, j'ai pas les temps, tu as merdé, voilà, c'est tout, quoi. Mais tu vois, et elle lui dit, nous, on s'était promis honnêteté, brutale. Oui. Elle dit, ouais, mais toi, t'as rajouté brutale. Genre, elle est trop méchante, tu sais. Alors qu'elle est pas méchante. Elle dit, je suis désolée, je suis pas hyper sensible, je m'attendrai pas quand il y a un enfant, je suis comme ça, tu vois. Ouais. Et le mec, il dit, oui, c'est ça les problèmes, je te quitte. Et ça, c'est quand même hyper perturbateur par rapport à la relation amoureuse et comment elle est envisagée par les réalisateurs. Parce que tu dis, putain, t'as une femme, elle est forte, qu'elle va peut-être dire, qu'elle fait pas ta mère, et qu'est-ce que tu fais? Tu la punis en la quittant. C'est ça. Putain, c'est horrible. Mais alors elle le tabasse derrière, je trouve ça très bien. Alors qu'en plus, elle lui reproche des trucs où lui, c'est pareil. Enfin, elle lui reproche d'être distante et d'être pas engagée, alors que lui, c'est pareil. Il est avec des meufs juste parce qu'il veut pas être seul. Ouais, alors, il est encore plus malhonnête. Enfin, c'est lui le plus malhonnête. Enfin, c'est très, très. C'est trop bizarre, quoi. Oui. Bref. Et alors après, je sais pas toi, mais moi, j'ai trouvé que la réalisation était assez dégueulasse. Ah, moi, je pas aimé. Voilà. La photo, il y a des moments, des scènes. Je sais plus, il y a une scène où ils sont à l'aéroport. L'étalonnage, c'est orange fluo. Tu fais. Pourquoi ? C'est très bizarre. Ouais. Il y a des scènes vraiment qui sont dégueulasses. Les scènes en extérieur, tu dis mais c'est trop chelou. C'est en extérieur ou c'est en intérieur ? Je sais pas, c'est trop bizarre. T'as l'impression peut-être qu'il y a eu 4 chefs-op différents sur le film, je sais pas, mais personne n'est d'accord. Hein. C'est un peu caca. Ouais, c'est caca. Du coup, tu veux rajouter des trucs sur le film, je pense. On lui a fait un petit costume, comme on dit. Ouais. Taillé un costard. Et on va accélérer un petit peu, du coup, et on va parler des Oscars. Oui. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Et oui, les Oscars. Je me suis surpris à la réactivité. okay. Des Oscars. Alors, là, ça va être un point qui va quand même. Moi qui m'a un peu énervé. C'est qu'en fait, ce film, il y a eu pas mal de nominations aux Oscars pour ce film. Quelle merde. Il y a eu 4 nominations aux Oscars pour ce film. Et alors ? D'après toi, qu'est-ce qui a été nommé dans ce film ? Je sais pas. Alors, Bon, Tom Cruise a été nommé meilleur acteur. Ça, déjà, ça fout les boules parce que comment ça se fait que ce soit... Enfin, il n'en a pas eu 20 000 des nominations aux Oscars. Et ça, bon. Bon. On reparlera de sa performance après, mais voilà. Et ça a été nommé pour meilleur film. Non, meilleur film. Oui. Ah, meilleur, ça, meilleur montage. Voilà, et meilleur scénario. Eh ben oui, parce que tant qu'à faire, quand on a envie d'un bon scénario bien moderne avec des belles valeurs, bah, ouais. Mettons ça meilleur scénario. Mais il a gagné ou pas quelque non. chose Par contre, il en a gagné un Oscar. C'est le second rôle, c'est Cuba Gooding Jr. qui gagne un Oscar. Sérieux ? Ouais. Son seul Oscar de toute sa vie, c'est avec second rôle pour Rod Stidwell. Ah, et ouais. Je sais pas trop quoi en penser parce que, à la rigueur, tu vois, dans le ton, si tu te dis la direction d'acteur, c'était vous surjouez tout à fond, bah là, effectivement, il a été super fort. Ouais. Mais après, voilà, ça rejoint peut-être plus, c'est pas tant comment il l'interprète que comment son rôle est écrit, j'ai l'impression. Le problème. Oui, ça c'est sûr, c'est pas la faute du comédien. Ouais, lui, je pense qu'effectivement, il le donne à fond, il met un rythme quand même. Et après, il met un truc dans le film qui arrive pas. Il y a que lui et sa femme, enfin et Regina King, c'est les deux acteurs qui amènent quelque chose un petit peu différent. Quoi. À la rigueur, j'aurais préféré que c'était Regina King quand même, entre les deux. Mais bon. Après, peut-être trop petit rôle pour. Ouais. Mais il marche bien, ouais. Après, bon ça, ok, donc c'est déjà, ça veut dire que dans ce film, il y a au moins une personne qui a un Oscar, donc Cuba Gooding Jr. Mais il y a d'autres personnes qui font partie de ce film qui ont des Oscars, là où Tom Cruise n'en a toujours pas, on le rappelle. Hey, alors c'est qui ? Et alors ? Bah, René Zellweger. René Zellweger, elle en a eu deux. Judy et Cold Mountain, et elle avait eu deux autres nominations. Chicago, elle avait eu. Cameron Crowe, il a eu un Oscar pour Almost Famous, pour le scénario, je crois. Ouais. Je l'avais vu. C'était pas si mal que ça. Mais j'ai vu il y a longtemps. Mais... Cameron Crowe, qu'on reverra bientôt dans Vanilla Sky. Ah, c'est toujours lui. Ouais. Et Regina King. Et oui, du coup. Avec. Bill Street. Elle a eu un Oscar sur Bill Street. Ok. Bah, oui, elle le mérite trop. Quoi. Bah, elle est très, très forte. Elle est très forte. Et après, alors, c'est pas un Oscar, mais il y a aussi une personne qui a beaucoup de nominations et qui a quand même un gros palmarès. C'est qui ? C'est Kelly Preston, donc la future femme de Tom Cruise. Ah, Avery. Avery, voilà. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait, elle ? Kelly Preston, juste pour reposer un petit peu les bases du débat, c'est l'ex-femme, je pense que c'est l'ex-femme de John Travolta. C'est une scientologue convaincue sur convaincue, qui a joué dans plein de films très mauvais, dont Battlefield Earth, oui. Avec John Travolta. Et elle a eu, quand même, dans toute sa carrière, trois nominations aux Razzie Awards. Elle a eu un Razzie de la plus mauvaise actrice dans Battlefield Earth, qui doit être le film Razzie par excellence. Donc, voilà, on n'est pas sûr de l'actrice à Oscar, quoi. Mais je voulais le noter, quand même. C'est un point d'honneur. C'est ça. Très bien. Voilà. Les sous-sous, comment ça a bien marché ou pas ? Ça a coûté 50 millions à peu près, sachant que Tom Cruise sont cachés ses 20 millions. Quand même, presque la moitié, là. Bah après, en ce moment, c'est ça, je crois. C'est 20 millions, c'est son cachet du moment. Son cachet de base. Et 50 millions, est-ce que ça a marché ? Pour info, quand même, c'était un record, parce que c'était le cinquième film de suite pour un acteur à plus de 100 millions de box-office américain. Ah ouais. Donc ça fait plus que Tommy, et c'est Tom. Après, si tu prends un box-office international, je crois qu'on en est à... Ça doit être le 8e ou 9e film de suite à plus de 100 millions. Ce qui est énorme. Non, mais c'est énorme. Donc, on est à plus de 100 millions, on est à combien ? 273 millions. C'est énormissime. Ouais, c'est énorme pour un film comme ça. Ouais. Bon, et Tom Cruise, du coup, là-dedans. Alors, on a Tom, Jerry Maguire. Bon, on était assez d'accord pour dire que ce personnage n'est pas super bien... Enfin, écrit... voilà. Mais est-ce que la performance de Tom, est-ce que Tom mérite une nomination aux Oscars ? Enfin, ça, clairement, c'est la vraie question. Après, je trouvais le côté... Il joue très bien le côté cringe. Il joue très bien le mec qui est amoureux sans être amoureux, quoi. Oui. Et ça, je trouvais que c'était très juste. Tu sais, quand t'as dit qu'il fait patte-patte à sa femme, genre il lui embrasse la main, ou il est gêné, ou quand il dit... parce qu'à un moment, il lui dit « je t'aime ». Et dans tout le film, tout le monde se moque de comment ses ex, ils se moquaient, comment on lui dit « ouais, je t'aime aussi ». Et quand il le fait, c'est vrai que tu l'entends, mais tu comprends ces petits trucs. Mais après, c'est sûr, jouer, c'est un peu trop, voilà. Mais après, je pense que c'est une ambiance globale. Hein. J'ai l'impression que l'ambiance globale du tournage, c'est les filles, vous restez calmes. À part Marcy, qui a le droit un peu de s'énerver. Il y a deux, trois moments. Les filles, on reste calmes. Et les mecs, vous y allez à bloc. Oui, mais oui, oui, Marcy, c'est ça, c'est parce que c'est parce qu'elle est noire. Hein. Ouais, ouais, c'est... Il y a un truc qui est très bizarre, quoi. Dans vraiment l'image de ce qui est véhiculé. C'est... Après, voilà, je te dis, je pense que c'est typique années 90, quoi. Oui, voilà. Du coup, Tom Cruise, dans ces trucs-là, bah, on l'a déjà vu, on sait que quand tu lui dis, bah, là, tu joues sans limite, il va à bloc. Bon, ça y est, hein. Ça y est, pas de problème. Quand il pète un câble aussi dans le. Au tout début, dans la société, oui. Qui oui. fait ce truc avec ses mains, c'est trop drôle. Il y a quand même un truc, toujours un mec engagé et tout. Ouais. Après, et c'est bah, moins. Bah, c'est pas très fin, en fait. Il y a un truc où tu bah, après, oui, c'est ça. C'est sur des amplitudes d'émotions hyper larges. Donc, forcément, bah, tu. Il faut y aller à bloc, quoi. Donc, il a fait tellement de films meilleurs que. Il a tellement mieux joué dans d'autres films. Ouais. C'est trop bizarre. Qu'il a eu un Oscar, qu'il a eu une nomination pour ça, quoi. Mais après, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que si effectivement, enfin par rapport au film, c'est logique qu'il joue comme ça et il le joue très bien, il le défend le truc. C'est le personnage qui est pas écrit, qui est pas bien écrit. Enfin, ouais. Mais en tout cas à l'époque, ouais, beaucoup de. Alors que pourtant, c'est une année où aux Oscars il y a Le Patient Anglais et Fargo. Quand même. Donc, il y a quand même une autre recherche dans l'écriture et tout ça. Et tu ouais. te dis, Jerry Maguire fait partie des gros, gros films de cette année-là. Quoi. Mmh. Ah, c'est assez fou, surprenant. Quoi. Bah. Je ne sais que trop penser de plus. Après, les Oscars, comme on dit à chaque fois, ouais, c'est un peu de caca. Donc, voilà. Non, ce qui est assez rigolo, c'est de regarder d'année après année. Du coup, à chaque film, je regarde un peu les Oscars. Du coup, tu vois un peu l'évolution dans ce qui est attendu ou pas ouais. pour les Oscars. Ouais. Et ça, c'est, pour moi, j'étais assez surpris que ce film-là soit... parce que pour la peine, à l'époque, c'est pas trop le genre de film à Oscar, quoi. Ah non. Ça n'a jamais été trop, ces films-là, mais bon. Bref. Bah. Allez, on se fait un petit cruisomètre pour se remettre de tout ça. Oui. C'est l'heure du cruisomètre. Eh oui, le cruisomètre en note de 0 à 100 pourcentage pour donner notre impression après visionnage sur ce film. Film, alors pas tant le film, mais plus la carrière Tom Cruise dans tout ça, une espèce de mélange un ouais. peu de tout ça. Serena, Jerry Maguire, qu'est-ce que tu en dis ? Moi, j'en dis très très peu. Oui. Moi, je pense que j'ai moins que Cocktail, pour ah, te dire. Ah ouais. Je pense que Cocktail, c'était une erreur, mais, mais... je trouve que il y avait quand même une résolution du personnage, même s'il était resté méga macho, mais il a quand même fait une petite évolution, quoi. Ouais. Légère, mais quand ouais, même. Ouais, non, ouais. Ici, vraiment ouais, pas. Il s'est rien passé, quoi. On n'a rien vu de sa descente aux enfers. C'était juste quand il était tout seul, ouais, mais ouais. C'était pas après. Ouais. Alors après, tu vois, parce que moi, mauvais, c'est pareil. Hein, moi, je me suis un peu parti très vite en me disant. Par rapport à Cocktail, comment je le compare ? Je trouve que dans Jerry Maguire, il maîtrise plus son jeu que dans Cocktail. Oui, Cocktail, c'est un peu bordel. Et après, moi, le problème que j'ai vu, c'est qu'en fait, il a une nomination aux Oscars pour Jerry Maguire. Donc, je peux pas le mettre en dessous de Cocktail. Et puis même, je trouve que Cocktail est vraiment encore plus dégueulasse. Quoi, ouais. Parce que ça raconte... mais bon, on note pas le film. Ah, j'avoue. Mais moi, le seul problème, c'est ça. C'est que, en gros, il fallait mettre un minimum de points parce que c'est une nomination aux Oscars. Mais je voulais pas aller trop loin. Du coup... Ouais, c'est peut-être ça, mais c'est pas facile, hein. La nomination et le film est beaucoup plus culte encore que Cocktail, j'ai l'impression. Ah bah les oui. répliques et tout ah ça. Ah bah oui, bah oui. Mais là, toutes les répliques, à chaque fois, tu dis ah si, ça je l'ai entendu. Ça, c'est... Elles sont très connues. Du coup, je sais pas. Toi, tu dis combien? Moi, j'ai mis à 36%. Oh, ce qui est haut, mais en même temps, c'est en disant que c'est le plus bas où je pouvais le mettre techniquement à cause de la nomination. Ok, d'accord. Bah, moi, je vais aller un peu plus bas quand même. Alors, je vais faire un espèce de 25%. Ouais, c'est bien ça. Alors moi, j'ai mis à 36%, je l'ai mis, je crois, ça tombe en dessous de All the Right Moves, qui est un film de foutu S. Ouais. Pour la peine, il joue moins bien, mais où je trouve plus tendre. Et puis je le trouve plus attendrissant dans ça. Ouais. Même si, pareil, le personnage n'est pas terrible et le film n'est pas ouf, ouais. Mais j'étais beaucoup plus touché par ça que... C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais après, ouais, je voulais aller plus bas, mais c'est compliqué. Avec une nomination aux Oscars, c'est compliqué d'aller plus bas quand même. Bam bam bam. Et alors, tu sais ce qu'ils ont dit, Rotten Tomatoes ? Je te l'ai un peu spoilé en disant que les critiques ont marché, mais. Trop bien. Ils ont dit quoi ? 83%. Non ! Et sur Allociné, je te le dis aussi parce que toi t'aimes bien te moquer d'Allociné, les spectateurs est 3,1 sur 5. C'est quand même beaucoup, là. Ouais, c'est beaucoup quand même, on est d'accord. Qu'est-ce qu'ils font, ces Français, là ? Ouais, maudits Français. En plus, c'est des commentaires, c'est pas des commentaires des années 90, c'est des commentaires des années 2000. D'aujourd'hui, tu dis les mecs. Wow. Mais ouais, mais moi, je l'ai vu sur Netflix, ces films, c'est quand même hallucinant. Et ouais. C'est vraiment un film culte, quoi. C'est ça. Ah. C'est pas simple. Trop bizarre. Bon. J'ai une question. Vas-y. On enchaîne. C'est impressionnant. D'habitude, c'est beaucoup moins fluide, mais là, c'est beaucoup. Ça plus va. Oh, j'ai même pas fait d'anecdotes, dis donc. J'ai fait très peu d'anecdotes. C'est vrai. Bah oui, mais après, c'était pas ouf, hein, les anecdotes. Bref, la question. Est-ce que c'est une des rares incartades de Tom Cruise vers la comédie romantique? On va pas trop d'exemples. Là, de tête, je crois que j'ai pas trop d'exemples de Tom Cruise dans une comédie romantique. Mmh. Et ma question, c'est est-ce que Tom Cruise est compatible avec le concept de comédie romantique, tu vois? Non, moi je suis d'accord, il n'est pas compatible. Et alors du coup, j'ai une anecdote qui est assez rigolote. C'est que quand ils ont envoyé le script à Tom Cruise, ils l'ont envoyé à Hugh Grant. Une espèce de vieux réflexe. C'est quoi? Ah, c'est une comédie romantique. Attends, je l'envoie direct à Hugh Grant. Non, c'était Tom Cruise, hein. Il fallait envoyer à Tom Cruise. Oh, pardon. C'est de vieux réflexes. Anecdote. Et effectivement, du coup, ça m'a fait réfléchir à ça. Je me suis dit, mais c'est vrai que Tom Cruise, surtout à l'époque, ce qu'il représente, eh ben dans une comédie romantique, t'as besoin d'un mec un peu fragile, un peu qui est un peu cabossé et qui va avoir une rencontre d'une autre personne qui est un peu cabossée. Alors Renée Zellweger fait bien la meuf cabossée, mais lui, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai qu'ils ont zéro. Tom Cruise, il a pas trop d'alchimie. Non. À part avec Nicole Kidman à l'époque, quand on avait vu Jour de tonnerre, là, ça avait vraiment marché. Mais bon, et en l'occurrence, ils sont sortis ensemble, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas les mecs, c'est pas les comédiens où tu dis, vas-y, il serait trop bon, il serait trop bon, un vilain, il serait trop bon, plein de choses dans l'action, dans les. Mais putain, la comédie romantique, ça marche pas, quoi. Ouais, et puis là, pourtant, c'est un peu le postulat de truc, c'est de dire, en fait, c'est un loser. C'est pas évident. C'est pas évident. Je pense que profondément, il a trop d'ego pour se baisser à ça. Je pense qu'il aime pas ça. Quoi. Après, est-ce que c'est aussi une. On n'arrive plus à le visualiser comme ce genre de personnage. Oui, mais même dans ses films, il est trop bizarre. Même quand il fait son discours à la fin, t'es là. Bof. Ça te touche pas, quoi. Ouais. Tu as toujours les cringes qui te. Il peut faire le romantique, enfin, le drame romantique, oui. Ce côté-là, mais le côté comédie romantique, c'est vrai que ça, c'est plus. Ça lui. J'ai l'impression que c'est une corde qu'il n'a pas dans son arc. Non, je pense pas non plus. Pour peu qu'on puisse avoir plusieurs cordes dans un arc, ce que j'ai jamais compris comme expression. En tout cas, pas la drague du début, tu vois. Il est déjà dans une relation, ça marche, mais tous les trucs du début, là, c'est trop bizarre. Bon, après, c'est pas ouf, c'est pas super bien écrit. Enfin, de base, c'est pas bien écrit aussi parce qu'elle, elle est amoureuse de lui, elle semble le connaître, de base. C'est trop bizarre. Déjà, ça, bon. Ouais. Ça fait un peu ça, j'ai regardé Coup de foudre à Notting Hill, je crois. Ah. Où, tu sais, c'est Julia Roberts qui. Je connais très bien ce film. Voilà. Mais du coup, elle, c'est pareil, elle a cette espèce d'image de la meuf. T'as l'impression qu'elle est. Tu comprends pas comment elle est amoureuse, mais en fait, c'est beaucoup mieux amené parce que c'est plus malin, tu vois. Elle est la personne star. Inaccessible. Oui. Ce qu'il a, à la rigueur, serait Tom Cruise, tu vois, le mec inaccessible par Renée Zellweger. Mais bon, sauf qu'on adopte le point de vue de Tom Cruise, donc forcément, ça marche moins bien dans Code Foudre à Notting Hill, où on adopte le point de vue de Hugh Grant, qui est le mec qui comprend pas comment ça lui tombe dessus. Ouais. Et du coup, peut-être c'est ça aussi qui fait qu'il faudrait qu'il soit. S'il doit avoir cette position du mec inatteignable dont on tombe amoureux, il faudrait pas que ce soit son point de vue, peut-être. Pour que ça marche dans une comédie romantique. Comment tu peux enlever les premiers rôles à Tom Cruise, quoi. Exact. Maintenant, c'est vrai que dans les années 90, c'est compliqué de dire. On le verra dans les années 2000 avec Magnolia, notamment. Oui. Mais après, c'est très compliqué sinon. Il faut avoir un truc spécifique. Par rapport à ça, au côté comédie romantique, ils ont quand même pensé à l'alchimie, parce qu'ils ont voulu caster Winona Ryder. Pour jouer. Non. Alors déjà, moi j'étais là, je me suis dit, putain, heureusement qu'ils lui ont pas filé le rôle, parce que la pauvre, elle avait pas besoin de ça. Et en fait, ça disait, non mais en fait, ça marche pas, on dirait qu'ils sont frères et sœurs. Et c'est pas faux. Il y a un truc où, après, ça aurait été un autre degré d'intensité dans le jeu que Renée Zellweger. Que, pareil, j'ai rien contre elle, mais dans ce film-là, je vois pas trop le principe. Bon. Ouais, c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Recommendation? Recommandation. Bah vas-y. Et t'as pas une anecdote rigolote qu'on n'a pas dit ou des trucs comme ça? Une anecdote, je regarde vite fait. Un truc que j'ai pas dit. Quand ils ont casté Renée Zellweger, donc elle n'était pas encore une star. C'est un peu le film un des films, en tout cas peut-être celui-là même, qui la révèle. Au téléphone, Cameron Crowe. Il dit, c'était cool, super d'avoir fait le casting, machin. En gros, il a laissé poireauter avant de lui demander à la fin du coup de fil si elle était chaude. Donc pour elle, c'était bon, c'était déjà fini. Ah, donc le mec, il fait un chaud froid à Renée Zellweger. Donc tu comprends comment il a écrit le film après. Voilà. Monsieur Crowe nous ne sommes pas d'accord. Non, non, non. Et après, juste dernière petite anecdote un peu rigolote, c'est que tu sais, il y a un moment, ils font une scène où ils filment avec une pub avec Rod avec un chameau. Et Rod n'arrête pas de dire « Ah, mais c'est le chameau le problème, c'est le chameau le problème. » Et en fait, apparemment, vraiment, sur le tournage, le chameau, c'était un problème. Il a coursé tout le monde. Ça a foutu le bordel dans tous les sens. Très bien. Voilà, c'est, c'était, très belle, très belle. C'était une petite anecdote. Et après, il y avait sur la langue des signes. Ah oui. Là, au moment d'un truc, apparemment, c'est pas super. C'est de l'American Sign Language, mais raté. Et, ah ouais, bah, apparemment, elle n'est pas terriblement bien faite. C'est ce que j'ai compris. Et que en langue des signes américaine ratée, on appelle ça le pigeon sign, donc le signe du pigeon, quoi. Enfin, ah ouais. Signé comme un pigeon. Ça m'a fait rire. Pas je mal. Sais pas si c'est vrai ou pas. Mais comme d'hab, hein, c'est des anecdotes. On fait ce qu'on veut avec. Voilà. Du coup, maintenant, recommandation. Alors, Serena, bon, moi j'en ai une. Et j'ai un peu hésité là, avec un entretien avec un vampire de le recommander, mais là, je suis obligée de recommander ça. C'est parce que Bonnie Hunt, la sœur, qui est un peu mon personnage préféré de ce film, a fait Jumanji. Et donc, okay. J'ai déjà hésité avec jeune Kristen Dunst, mais là, c'est arrivé le moment, on va tous le regarder. Deux fois de suite, t'es obligée, là, maintenant. Et en plus, c'est Noël, donc c'est parfait. C'est un film de Noël, c'est vrai. Un film de Noël, voilà. Et oui, parce que là, vous allez nous écouter... juste avant Noël, normalement, cet épisode est dans vos oreilles, juste avant, 2-3 jours avant Noël. Donc profitez, Jumanji. C'est l'heure de Jumanji. Il passe probablement à la télé en ce moment. Ouais, je pense. Donc vous mettez en pause le podcast, vous allez mettre Jumanji, et après on se voit au prochain épisode. Voilà ma recommandation. Et okay. Toi moi j'en avais plein. Alors bizarrement, je me suis rendu compte, quand les films sont pas bons, j'ai plein de recommandations. Peut-être pour évacuer, c'est un peu de catharsis d'évacuer la chose. J'avais pensé à Regina King et du coup ça m'a fait penser à la série Watchmen où elle joue le rôle principal. Ah, trop bien, très belle. Chouette. C'est vrai qu'en plus elle joue un super personnage. C'est ça. Mais c'est pas ma recommandation. J'avais pensé aussi mais à ça, Cuba Gooding Jr. Oui, il faut le regarder quand même. Oui, ouais, ça se regarde. Cuba Gooding Jr., il y a pareil, il a fait une série American Crime Story où il joue le rôle de O.J. Simpson. C'est le procès de O.J. Simpson. Il est très fort bien. Dedans. Et cette série, elle est un peu glaçante. Avec un vrai personnage féminin, la procureure. C'est très, très bien. Et d'ailleurs, pardon, petite citation, mais dans les films, il y a une petite référence à O.J. Oui, Simpson tout à fait. Aussi. Voilà. Il joue un peu l'agent sportif de O.J. Simpson. Quand même, c'est ouais. Chelou, ça aussi. Qu'il a tué quand même sa femme. Bon. Ouais. Après, j'ai une recommandation par acteur. Parce qu'après René Zellweger, moi, je voulais recommander Food Irene parce que Jim Carrey. Mais ça, c'est. C'est quoi ça? Food Irene, alors en anglais, comment ça s'appelle, Food Irene? C'est avec Jim Carrey, qui est un mec qui a un dédoublement de la personnalité. Le film des frères Farrelly, complètement absurde. Un dédoublement? Ah non, je ne vois pas du tout. Bon, bref, ça touche. Ah ouais, je ne vois pas. Mais du coup, la vraie recommandation, parce que en lisant un petit peu les trucs, etc., Cameron Crowe, a priori, son idole, c'est Billy Wilder, le réalisateur de comédies des années 50. Vénéré aux États-Unis. Ouais, mais ouais, moi j'adore Billy Wilder, du coup. Okay. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, non, parce qu'en fait, t'écris pas pareil que lui, mec. C'est clair. Parce que tu regardes ce film-là, tu regardes Certain Lame Show, qui est 30 ans plus vieux, Certain Lame Show comprend beaucoup plus de choses sur les rapports femmes-hommes, oui, etc., ça. Quand même. Tu vois, ouais. C'est beaucoup mieux écrit. Et même notamment. Il a dit que ce qui l'inspirait, c'était pour le personnage de René Zellweger, c'était dans La Garçonnière. Ah, j'ai pas vu. Et ça, pourtant, et là c'est pareil, tu te dis, mais mec, on n'a pas vu le même film, quoi. Donc, regardez La Garçonnière de Billy Wilder, enfin plein de films de Billy Wilder qui sont. Moi, j'aime beaucoup sa manière d'écrire la comédie romantique, beaucoup plus intéressante, qui pour l'époque, il y a quand même pas mal de trucs qui sont glissés, qui sont beaucoup plus modernes que notamment Jerry Maguire, clairement. Donc, La Garçonnière, très notamment, bien. Ou La Grande Combine, parce que dans La Grande Combine, il y a du football américain. Ah ouais? Ouais, c'est très drôle. Enfin, après, moi, ça me fait beaucoup rire. C'est des super acteurs. Ou sinon, certains l'aiment chaud parce que ça marche toujours. Etc. Classique. C'est quand même très, très chouette. Trop bien. Voilà, donc vous avez eu. Moi, je crois que j'ai eu 15-16 recommandations. Au final, c'est un peu trop. Je m'en excuse par avance. Mais du coup, Serena. Oui. Je mets une petite musique de Bruce Springsteen. Parce que Bruce Springsteen est toujours dans les bons coups. Pour dire que on va vous souhaiter du coup joyeux Noël puisqu'a priori vous allez nous écouter le jour ou le lendemain de Noël, je sais pas, avec toute votre famille. Voilà, on précise pas l'année, ça se trouve vous écouterez Noël 2023 ou 24, on sait pas. Mais il y aura encore Jumanji, mais c'est sûr. Ouais, c'est clair. Ou la soupe aux choux. C'est clair. Ça, c'est au choix. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Donc, ce sera donc tout début 2022. Mmh. Avec un film de sa bonne ambiance, hein, parce que là, c'est Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, le dernier film de Stanley Kubrick. Oui. Là, ça va pas être la même marmelade que Jerry Maguire. Oh non. D'ici là, du coup, vous en profitez, comme c'est Noël, vous réécoutez plein d'épisodes, etc. Vous dites c'est cool, vous en parlez à vos amis, vous offrez un abonnement. Mais non, parce qu'il n'y a pas d'abonnement au podcast, il est gratuit. Donc vous dites à tous les gens, écoutez ce podcast, il est merveilleux, vous mettez des étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça sert à ce que d'autres personnes découvrent ce podcast merveilleux. Si vous trouvez que c'est pas bien, normalement, vous écoutez déjà plus ce podcast. Voilà. Vous avez trouvé ça pourri. Donc bon. Mais vous avez des inconscients. Vous regardez Jumanji, vous avez plein de trucs. Voilà. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. On est @cruzometer partout, normalement. Sur notre site internet cruisecontrol.card.co, card CA2RD.co. On est hébergé par PodCloud, qui est un hébergeur de qualité qui fait beaucoup de choses très très très bien. C'est une asso vraiment très très chouette, avec une vraie conscience de la création de podcasts amateurs notamment. Voilà. Bah oui, bravo. J'ai l'impression d'avoir tout oublié, mais en fait, non. Donc on se retrouve dans deux semaines pour Eyes Wide Shut avec Stanley Kubrick, et d'ici là, des bisous. Bisous. You've gone a million miles. How far'd you get? That place where you can't remember and you can't forget. She'll lead you down the path. There'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile. And her eyes will say, she's got a secret garden where everything you want, where everything